La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Alessandro Arbo pour évoquer l'ouvrage collectif Quand l'enregistrement change la musique, paru aux éditions Hermann. Un enregistrement sonore, cela permet de garder une trace de ce qui s'est passé. Et puis comme il y a des gens qui ont de l'affection pour les supports d'enregistrement, qui vont parfois jusqu'à collectionner les disques, il y a des artistes qui travaillent leurs disques avec un soin tout particulier, quitte à moins se produire sur scène. Pour explorer plus largement encore comment l'enregistrement modifie le rapport des auditeurs et des interprètes à la musique, Alessandro Arbo a rassemblé avec Pierre-Emmanuel Lefay des contributions de chercheurs dans un livre publié aux éditions Hermann intitulé « Quand l'enregistrement change la musique ». Alessandro Arbo est aujourd'hui l'invité du Printemps des Arts de Monte-Carlo sur la Radio Parfaite. Thank you. Pianiste Arthur Rubinstein dans l'intermezzo opus 119 numéro 2 de Johannes Brahms. Bonjour Alessandro Arbo. Bonjour à vous. J'ai choisi Brahms pour ouvrir l'émission parce que il se situe comme à l'envers du sujet que nous allons évoquer, puisque lui considérait qu'on entendait la musique rien qu'à lire la partition. Peut-être supposait-il qu'on l'entendait encore mieux sans qu'elle soit exécutée par des instruments. Ce qui semble dire, même s'il ne connaissait pas encore l'enregistrement phonographique, que quand même l'enregistrement phonographique serait encore moins de la musique. Peut-être. Cette célèbre position de Brahms est liée peut-être à sa position d'expert, de compositeur qui a une maîtrise parfaite et totale de l'écriture, au point de pouvoir jouir du déchiffrage, de la lecture d'une simple partition. Je crois que Brahms avait exprimé cette célèbre, disons, position à la lecture de Don Juan, je crois. C'était, comme dire, plutôt qu'assister à une représentation de Don Juan, qui est le sous-entendu est souvent mal faite, il vaut mieux, comme dire, se mettre tranquillement dans le fauteuil et lire la partition. Alors, bon, là derrière, peut-être il y a une position qui n'est pas seulement celle d'un grand génie, sans doute, mais aussi une position qui est, j'oserais dire, un peu typiquement 19e, c'est-à-dire l'œuvre musicale qui peut se concevoir comme une sorte d'objet idéal qui mérite une sorte de contemplation pure, une sorte de structure qui va au-delà de ce qu'on entend, tout simplement. Donc, tout le monde le sait, donc la musique, au moins la musique liée à une notation, est une musique qui s'interprète. Alors, l'interprétation peut être plus ou moins réussie. Vous dites que c'est 19e siècle, mais en même temps, c'est complètement teinté de la tradition philosophique. On pourrait repartir de l'allégorie de la caverne de Platon pour avoir des niveaux de réalité et se dire que les idées de la musique sont plus hautes dans la hiérarchie ontologique que l'exécution de la musique, ce qui programme un rabaissement du statut ontologique que l'on donne aux enregistrements. Parfaitement. La question est, la position est platonique ou platonicienne, sans doute. Donc, si on veut, du point de vue théorique, on peut remonter vraiment à l'Antiquité. Mais cette manière de concevoir la musique est plutôt moderne. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, je doute fort que quelqu'un puisse avoir rêvé jamais de penser la musique comme quelque chose qui va au-delà d'une performance réelle, c'est-à-dire de quelque chose qui s'est fait dans la réalité, qui est un acte, même si, évidemment, la musique était aussi un ensemble des structures, des concepts, des théories, des modèles, et donc elle existait aussi sous la forme d'une théorie musicale. Mais la musique pratique, la musique qui s'est fait, la musique qui s'écoute, évidemment, est faite par des musiciens. Ça, disons, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas mis en doute par aucune culture musicale. Une autre chose, c'est évidemment la théorie musicale. La théorie musicale peut évidemment se concentrer sur des objets idéaux. La musique réelle, la musique est en quelque sorte a plutôt le statut d'un objet social, c'est-à-dire quelque chose qui, c'est évidemment un objet sonore, mais qui a sa valeur dans un contexte et chaque contexte après découpe en quelque sorte le sonore pour en faire un objet plus ou moins intéressant ou agréable. Alors ce que vous proposez, vous, c'est de faire une typologie des enregistrements en opposant deux grandes catégories, des enregistrements qui seraient des documents qui n'ont valeur que de traces, et d'autres qui sont en eux-mêmes des œuvres qui sont investies par les interprètes comme une production en soi. Oui, c'est la différence de fond est encore plus radicale, si on veut. C'est-à-dire, l'enregistrement peut fonctionner effectivement comme un document d'un côté et comme une construction de l'autre. Alors, il existe évidemment des genres musicaux où l'enregistrement joue vraiment ce rôle très fort d'outils de construction. Pensons typiquement à la musique rock, un disque de Pink Floyd est construit en studio. C'est-à-dire que ce groupe arrivait en studio avec évidemment des idées, des textes, un schéma mélodico-harmonique, des harmonisations aussi, des arrangements. Mais après, le résultat final est vraiment ce qu'on a fait en studio. Et peut-être... Parfois, comme dire, le résultat, du point de vue artistique, esthétique, le plus intéressant est justement le produit qu'on a après ce travail des studios, donc après l'enregistrement. Même si, évidemment, les traces peuvent être similaires à quelque chose que les Pink Floyd ont fait avant d'entrer en studio d'enregistrement. Ça, en ce qui concerne l'enregistrement constructif. De l'autre côté, l'enregistrement qui fonctionne plutôt comme un document, un témoignage de quelque chose que l'interprète a fait à un moment donné. Alors typiquement, on peut se dire que l'enregistrement d'un concert est un enregistrement document. Et ce n'est pas une thèse à moi, même si évidemment j'ai souscrit à cette thèse, mais qui est assez partagée aujourd'hui. Il y a pas mal de chercheurs. C'était Roger Puivet. Roger Puivet, certainement, en France, qui a introduit ce débat, qui a eu le mérite de le développer amplement. Mais avant, donc, dans la tradition un peu analytique, de la philosophie analytique, Théodore Gracchi, par exemple, Andrew Kanye et beaucoup d'autres ont parlé de ces thématiques qui sont aujourd'hui assez courantes. Et au sein même de la musique classique, vous faites comme ça une sorte de partition entre, par exemple, une œuvre de Brahms qui est enregistrée au concert, interprétée par Richter, et puis une même œuvre, pourquoi pas, de Brahms aussi, interprétée par Glenn Gould et investie en studio. Voici Glenn Gould dans l'intermezzo numéro 2 en la majeure opus 18 de Brahms. Thank you. L'intermezzo opus 118 numéro 2 de Johannes Brahms par Glenn Gould, Alessandro Arbo, dans le livre Quand l'enregistrement change la musique, vous distinguez le rapport de Glenn Gould à l'enregistrement de celui par exemple de Richter qui laisse enregistrer ses concerts. Glenn Gould, on pourrait parler d'une interprétation de studio ? Oui, en quelque sorte, on pourrait parler ainsi. Moi, j'ai introduit une autre catégorie que, bah, tout simplement pour chercher de dire une réalité qui a un peu fait changer un peu le destin de la musique enregistrée et de la musique en général aussi. C'est-à-dire, moi, je parlerai des œuvres de performance. En quel sens ? Évidemment, les cas que vous avez évoqués et montre bien que même si dans le cas de la musique qui est liée à une partition, de la musique écrite, il y a toujours une interprétation, et donc en principe l'enregistrement est toujours une sorte de document, de témoignage, donc ce n'est pas le cas de la construction qu'on peut faire dans la pop, dans le rock. Eh bien, dans ces cas, il semble nécessaire quand même de distinguer des cas différents. Évidemment, l'enregistrement d'un concert est un simple document, même si, évidemment, il peut être après un peu retravaillé en studio. Évidemment, aujourd'hui, on peut le faire, sinon autre, pour rendre au mieux ce qui a été enregistré. Sans parler d'ailleurs de la prise du son, qui est déjà une sorte, disons, d'interprétation à sa manière, disons, de ce qui a eu lieu à un moment donné. Mais disons, dans ce cas, on est plutôt dans les documents, dans le témoignage de ce qui est arrivé à un moment donné. Dans l'autre cas, les cas de Glenn Gould, justement, on est face à un travail qui s'est fait en studio, qui parfois exploite vraiment la technologie des studios pour jusqu'au montage. Absolument. Pour créer une chose qui n'a pas lieu dans la réalité, c'est-à-dire il n'y a aucun événement, aucune performance directe qui correspond à ce qu'on entend. Ce qu'on entend est plutôt justement le montage donc de plusieurs exécutions. Et aussi parce que le timbre de l'instrument est travaillé par l'interprète à direction des micros plutôt qu'à direction d'une salle. Oui, exactement. Il y a certaines pièces de Sibelius, je crois, enregistrées par Glenn Gould, où ça s'entend. Évidemment, on a comme l'impression qu'à un certain moment, le piano est déplacé dans la chambre à côté ou alors à une distance vraiment très, très grande du microphone, et puis tout d'un coup on a le piano plus proche. Alors pourquoi Gould faisait ça? Évidemment, il cherchait à rendre le mieux possible l'idée du compositeur qui, à un moment donné, voulait un son plutôt comme de loin, un son plutôt différent. Et alors pourquoi pas exploiter la technologie d'enregistrement pour rendre l'idée du compositeur? Mais évidemment, le résultat ne correspond plus au simple témoignage d'une performance qui a eu lieu à un moment donné. Et donc lui donner ce statut de document, ce serait réducteur. Et c'est pour cela que je pense ça peut être pertinent ou correct de parler d'une sorte d'œuvre de performance, c'est-à-dire une œuvre, l'enregistrement devient une sorte de résultat que l'interprète obtient grâce aux moyens studio. C'est d'autant plus une œuvre de performance que c'est un faux document. C'est un faux document, parfaitement. Vous racontez une anecdote de l'enregistrement d'un Tristan et Isolde avec Kirsten Flagstad qui se trouve un peu fatigué à un passage et qui est remplacée par Elisabeth Schwarzkopf sans que ce soit trop dit aux auditeurs du disque, ce qui à l'écoute a été repéré et donc a fait scandale. C'est une anecdote très célèbre en fait, et le problème est que le tout devait rester plutôt réservé et ça n'était pas le cas. Donc évidemment, il y a eu une sorte de des scandales comme quoi c'est écrit un nom et après ce n'est pas la, c'est-à-dire elle a été quelque part aidée à un moment donné par quelqu'un d'autre, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui chante. Comment on peut tricher jusqu'à ce point-là? Mais évidemment, dans ce cas, le producteur voulait réaliser le disque et peu importe. Donc, il est arrivé évidemment à son but et au fond, dans ce cas, on peut dire il n'y a pas de quoi fouetter un chat, vu d'aujourd'hui. Hein. Mais si on considère que, évidemment, à cette époque-là, l'enregistrement faisait l'objet des discussions, c'est-à-dire sur l'authenticité au moins de ce qu'on fait dans les studios. Est-ce que l'interprète peut effectivement réaliser ce qu'il a fait dans ces conditions particulières? Après, évidemment, ça dépend des producteurs. Selon certains producteurs, il y avait des producteurs qui faisaient répéter à tel point les interprètes qu'il n'en pouvait plus. Justement, les maris de la Schwarzkopf avaient exactement cette vocation. Et le problème est qu'après, on peut dire, bon, on va écouter l'interprète et en concert, il n'est absolument pas capable de faire ce qu'il a fait en studio. Même si dans ce cas, il n'y a aucun montage, mais la qualité, la virtuosité est très grande parce qu'évidemment on a enregistré 1000 fois jusqu'à arriver à la version la plus parfaite. Et puis on peut aussi citer le cas des chefs d'orchestre qui se mettent à faire des arrangements, on a l'impression justement par dynamique discographique. On peut citer l'exemple de Leopold Stokowski, dont voici un arrangement de la toccata Adagio et fugue en ut majeur BWV 564 de Johann Sebastian Bach. Thank you. L'Adagio BWV 564 de Jean-Sébastien Bach par l'Orchestre Symphonique de Bandsmouth, dirigé par Léopold Stokowski, qui, pour les besoins de ses enregistrements, faisait des arrangements des œuvres de Bach. Alessandro Arbo, vous dirigez cet ouvrage « Quand l'enregistrement change la musique » avec Pierre-Emmanuel Lefay, qui, lui, compare les stratégies d'enregistrement de Glenn Gould, dont on a parlé, et du chef Herbert von Karajan. Oui, Pierre-Emmanuel a traité justement de manière très frontale, très directe ce thème. Il a très bien mis en évidence comme ces deux grands interprètes se sont servis énormément du studio pour créer des objets qui se trouvent parfois très éloignés de la réalité des concerts. Il y a certains enregistrements de Karajan qui, disons, manifestent des propriétés impossibles à réaliser dans la réalité, même si, évidemment, il s'agit des caractéristiques sonores, disons, qui correspondent à un besoin de fidélité, d'authenticité, d'être le plus proche possible de l'idée du compositeur. Imaginons, à un moment donné, un pianissimo fait par des cuivres dans une tessiture un peu difficile. Et bien, dans ces cas, l'enregistrement donne un bon coup de main. On peut tout simplement baisser le volume à un moment donné, rééquilibrer et obtenir l'effet voulu. Ce qui fait que parfois, on se trouve avec ces enregistrements, comme l'a remarqué mon collègue Pierre-Emmanuel Lefay, on se trouve avec des enregistrements qui nous obligent à travailler sur les potentiomètres. C'est-à-dire, on écoute cette musique, si on l'écoute avec les casques, ça peut être une situation normale, mais imaginons avec un chenifi à la maison, c'est des disques qu'il fallait, disons, pour lesquels il fallait opérer tous les temps, comme dire, monter et baisser le volume. Tellement grande était la différence entre un fortissimo et un pianissimo, ou même un piano forte. Et évidemment, tout cela, à un moment donné, a sonné un peu artificiel. Et mon collègue a remarqué justement comme dans les techniques d'enregistrement les plus courantes, c'est-à-dire dans les vagues actuelles, on assiste plutôt à une tendance à revenir en forme d'enregistrement document. C'est-à-dire on cherche certainement la perfection, mais on cherche aussi une forme d'authenticité qui est lié à, vraiment à l'idée d'une performance événement, c'est de quelque chose qui a eu lieu effectivement. Et donc voilà des groupes qui produisent les disques après les concerts, c'est-à-dire le public sort du concert et il a dans les mains la production presque immédiate de la copie de l'enregistrement qui a été fait du concert auquel il a assisté. Ce qui fait comme dire, qu'il a la preuve comme dire, que tout a été fait réellement. Et cette fois, donc, c'est une performance du caractère documentaire. Oui, absolument. Non seulement une œuvre de performance, mais une vraie performance du document, oui, en quelque sorte. Ça, c'est vrai. Voici un extrait de La flûte enchantée de Mozart dans une version dirigée par Karajan. Alessandro Arbo est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Isis und Osiris avec la basse Ludwig Weber, c'était les Wiener Philharmoniker dirigés par Herbert von Karajan, extrait de la flûte enchantée de Mozart. Alessandro Arbo, on évoque ces moments où l'enregistrement change la musique, le fait qu'elle soit enregistrée modifie les coordonnées de l'exécution. C'est le cas qui plus est quand on a une réflexion sur l'authenticité, mais alors cette fois en abîme, quand on parle de musique ancienne avec tous les questionnements que ont pu avancer les baroqueux dans les années 60-70. Oui, évidemment, ça a été le grand débat, qui était surtout un débat sur une certaine manière de jouer, d'interpréter, d'utiliser certains instruments, de se sentir plus ou moins proche de ce qui était pensé comme le son originaire. La problématique concernait essentiellement l'interprétation plus que l'enregistrement. Mais évidemment, l'enregistrement était le support essentiel pour que cette thématique puisse se développer. Parce que les baroqueux étaient surtout des musiciens qui entraient en studio et sortaient avec un produit nouveau. Ce débat a eu, comme dire, des moments très vivace, disons, très fort. Il a manifesté aussi toutes ses contradictions. Je rappelle une remarque qui a été faite déjà dans les années 80, et c'est-à-dire on a observé que certes les baroqueux prétendaient en quelque sorte respecter les sons originaires, donc d'origine, les sons des instruments d'époque, et donc d'être plus fidèle de cette manière. Mais évidemment, pour le public auquel ils s'adressaient, ces sons étaient absolument nouveaux. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas comparer l'effet que produisait, je ne sais pas, un hautbois baroque sur un public habitué à un hautbois moderne, avec le fait qu'il avait produit à l'époque baroque, où évidemment cet instrument était ordinaire. Ce qui sonnait absolument nouveau, extraordinaire, aux oreilles des auditeurs des années 70, était absolument la norme ordinaire pour le public, pour ainsi dire, si on peut utiliser ces mots, de l'époque de Johann Sebastian Bach. On a l'affirmation de François Delalande qui relève cette espèce de paradoxe presque choquant, dit-il, de faire dépendre le retour aux instruments du XVIIIe siècle de l'histoire technologique du XXe siècle, comme si c'était la généralisation du disque qui amenait une attention telle au timbre que l'on s'est mis à s'intéresser à nouveau aux instruments datés. Oui, absolument. Non seulement la nouvelle technologie, mais aussi les oreilles d'aujourd'hui. Ça, c'est une question qui évidemment est bien, bien importante. C'est-à-dire, évidemment, un orchestre baroque sonnait d'une certaine manière aux oreilles des auditeurs d'autrefois. Aujourd'hui, elle peut sonner, si on veut, beaucoup plus maigre, hein. Parce qu'on a dans les oreilles le développement de l'histoire de la musique et évidemment les sonorités liées à toutes les technologies, sonorités du son amplifié, d'un son beaucoup plus fort, plus puissant. Ce qui fait que nous avons un étalon de mesure qui est complètement différent. Alors on va s'amuser à écouter juste les premières mesures de la 40e symphonie de Mozart, dans deux versions, toutes les deux dirigées par Arnoncourt, mais une avec son ensemble, le Concentus Musicus, qu'il crée en 1953 pour en donner déjà un premier micro-sillon dès 1954, et puis une autre version par le Royal Concertgebouw, mais dirigée également par Arnoncourt. Thank you. les premières mesures de la 40e symphonie de Mozart dirigée par Nicolas Hernoncourt. Alors avec le Concertus Musicus de Vienne, voici les mêmes mesures, toujours à Hernoncourt, mais cette fois avec le Royal Concertgebouw. Retenez de cette comparaison, Alessandro Herbeau. Moi, je vois qu'au fond, c'est toujours lui. Vous voulez dire Hernoncourt ou Mozart? Hernoncourt, absolument. Et l'énergie, la pulsation, l'articulation, le tempo, qui est plutôt allant, hein, parce qu'il y a des versions beaucoup plus posées hein, de ces symphonies. Au fond, les autres... Les autres aspects, disons, plus liés au timbre, peut-être, me semblent plutôt secondaires, mais la manière de phraser me semble rester bien la même. Alors, il y a un autre musicien qui est particulièrement débattu dans « Quand l'enregistrement change la musique », l'ouvrage que vous dirigez avec Pierre-Emmanuel Lefebvre aux éditions Hermann, c'est le cas de Sigiswald Kölken. Oui, c'est Jonathan Nubel qui a parcouru un peu la production de la petite bande pour mettre en évidence un peu les rôles qu'il a joué effectivement l'enregistrement, dont l'évolution du style de ces groupes. C'est qui, comme dire, pour montrer quelque part qu'il est baroque, était effectivement... les fils du disque quelque part, c'est-à-dire qu'ils étaient liés bien à cette production qui se faisait en studio. Mais alors, ce qu'il dit, voilà, c'est que c'est tellement les fils du disque que leur choix de répertoire s'adapte lui-même à ce que le confort d'écoute donné par le disque a pu produire chez l'auditeur. Il écrit « La petite bande dont le choix de répertoire qu'elle enregistre depuis une quinzaine d'années ne prend pas le risque d'une mésentente. L'ensemble enregistre des œuvres qui ne seront pas trop malmenées par les habitudes d'écoute induites par les technologies actuelles. » Oui, certainement, comme dire, évidemment, il y avait un choix qui était pensé en fonction de ce qui sonne le mieux hein, pour ce type de produit. D'ailleurs, cet impact, disons, cette manière de penser la musique en fonction de sa diffusion et du moyen technologique qu'on utilise est quelque chose qui va encore plus loin, si on veut, que l'enregistrement. Il y avait dans les années 20 et 30, comme ça, la réflexion sur les caractères plus ou moins radiogéniques de certaines productions musicales. Rudolf Arnheim, qui avait parlé de ces thématiques, c'est-à-dire, évidemment, Bach passe plutôt bien à la radio, au moins à la radio d'époque, qui avait évidemment une bande passante plutôt réduite. Et donc, évidemment, de la musique comme Webern ou Debussy passe moins bien. Et, alors, également, le choix d'orchestration, les choix de timbre, les choix de la prise du son sont liés à ce qu'on peut faire avec la technologie. Évidemment, la technologie des années 70-80 est différente, a évolué et permet beaucoup plus de liberté et permet, comment dire, offre une grande palette de possibilités à l'interprète. Mais il y a aussi un autre aspect. Évidemment, le studio est important pour ces musiciens parce que on ne peut pas tout faire sur scène, évidemment, surtout pour les baroques. On sait jusqu'à quel point les instruments, un violon baroque par exemple, est un instrument délicat qui a besoin d'être accordé tout le temps. Rares sont les concerts où on n'entendra pas entre un mouvement et l'autre et le musicien qui est obligé d'accorder. Et souvent, pendant l'exécution, l'instrument finit par être désaccordé de toute façon. Et eh bien, dans les disques, on peut obtenir un résultat quelque part idéal de ce point de vue. Sans compter qu'évidemment, dans les disques, on a la prise de son idéale, c'est-à-dire à la juste distance de l'instrument, chose qu'un concert, on ne pourra pas obtenir. Et un concert de musique baroque pour une énorme salle est quelque chose d'absolument improbable. Alors, profitons du violon idéal de Sigiswald Koiken avec Luc De Vos au pianoforte dans l'andante de la sonate pour piano et violon Köchel 296 de Mozart. Thank you. Luc de Vos au pianoforte, Sigiswald Keuken au piano dans l'andante de la sonate Köchel 296 de Mozart. Alessandro Arbo, il y a un autre musicien que je voudrais vous faire entendre, c'est Paul Badouras Coda, dont on a l'impression que l'amour pour les instruments anciens est agrandi, amplifié par les capacités des enregistreurs d'aujourd'hui à aller en chercher les recoins de sonorité jusque aux ornements de facture, on pourrait presque dire. Oui, parce que parfois la production du son est valorisée, absolument. C'est-à-dire, il s'agit aussi d'entendre le bruit des marteaux, le bruit de l'interprète lui-même, d'ailleurs. Mais Badouras Coda, il avait une très grande passion, comme on le sait, pour les instruments d'époque. Il avait une très grande collection d'instruments. Il a été... quand même un interprète plein de passion quelque part, non, rien de, quand on s'imagine peut-être comme une sorte d'exercice un peu philologique, un peu trop rationnel, c'était absolument pas le cas. C'était quelqu'un qui vivait avec passion ces types de choix qu'il faisait sur les instruments, un choix de timbre. Mais après, évidemment, il y avait beaucoup de réflexions sur les phrasés également, sur la manière, beaucoup de réflexions sur les tempos, par exemple. Je rappelle cet ouvrage qu'il a écrit sur l'interprétation des œuvres de Mozart, où il parle beaucoup de comment réaliser un andante, par exemple. Non, l'andante qui aujourd'hui, on ne sait pas bien comment classer. Et normalement, on le joue plus lentement, alors que document à la main ou avec beaucoup de réflexion et de pratiques, il faudrait peut-être, comme dire, le penser comme beaucoup plus allant, justement. Mm. Mais c'est des questions d'interprétation qui ne sont pas nécessairement liées à l'enregistrement. Là où les sonorités qu'il va chercher dans ses instruments laissent presque au second plan l'œuvre, tellement on entend l'instrument. Voici le scherzo de la 20e sonate de Schubert, Deutsch 960, par Paul Badouras Coda. Thank you. Le pianoforte de Paul Badura-Skoda dans le scherzo de la sonate numéro 20 d'Etch 960 de Schubert. Alessandro Arbon, on évoque l'ouvrage que vous dirigez « Quand l'enregistrement change la musique » publié par Hermann. Jusque-là, du point de vue des interprètes et des parties pris que le disque leur permet d'affirmer d'autant plus. Parlons maintenant de ce que ça change, y compris dans la composition, puisqu'on a écouté jusque-là que des compositeurs qui ne connaissaient pas encore la possibilité phonographique. Dans le cas, par exemple, de Debussy, qui enregistre lui-même ses œuvres sur rouleau, on peut imaginer qu'il anticipe la réécoute de ses œuvres comme potentiellement une trace de ce que lui entendait qu'il s'agissait de faire de ses partitions, ou alors il se joue autre chose. Il y a un article, une contribution dans cet ouvrage que vous dirigez de Benjamin Lassauzé sur l'enregistrement pour instruments reproducteurs. Oui, en effet, il faudrait poser la question à Benjamin Lassauzé qui est devenu un grand spécialiste de cette thématique. Il a beaucoup approfondi cette thématique, non seulement celle de l'enregistrement, mais en général de la manière même de jouer de Debussy. Mais ce que je peux dire est que, d'un côté, comme dire, Debussy n'est pas toujours très respectueux, comme dire, de ses propres partitions. Ce qui fait penser quelque part que ces partitions possèdent comme dire une sorte de caractère je dis pas improvisé, mais disons qui comprend un élément d'improvisation au-dedans, et qui donc était un tout petit peu adapté par les musiciens. Parfois Debussy, coupe, fait une mesure à moins, fait un tempo qui n'est pas correct, et parfois ne met pas tout en valeur, c'est-à-dire ce qu'on voit effectivement dans la partition n'émerge pas franchement dans son interprétation, ou alors on peut s'étonner d'une certaine vitesse qui ne permet pas de faire émerger tous les caractères. Mais on peut même retourner cet argument et montrer que au fond, là où on interprète d'une certaine manière aujourd'hui, une manière assez courante liée à certains, une manière peut-être un peu stéréotypée de penser Debussy comme le musicien impressionniste, symboliste par excellence. Et là, Debussy était plutôt, humoristique, comique et s'amusait. Justement, Benjamin Lassauzé a valorisé énormément cet aspect, c'est-à-dire l'humour. Il mettait beaucoup d'humour dans sa musique, Debussy. Alors, aujourd'hui, quand on pense à l'humour, on pense à la comicité, à l'ironie, on pense tout de suite à Erik Satie. Mais à la même époque, Debussy n'était pas moins humoristique. Il y a pas mal d'œuvres qui le sont. Alors, est-ce que sa manière d'interpréter voulait justement valoriser cet aspect-là qui aujourd'hui nous semble moins évident dans sa musique? Peut-être. Donc, dans ces cas, on pourrait dire qu'il est plutôt fidèle à l'idée qu'il avait de sa propre musique. Directeur de la publication « Quand l'enregistrement change la musique », Alessandro Arbo est l'invité de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Une version sur un Weltminion de 1913 de La Soirée d'Engrenade de Claude Debussy par Claude Debussy, peut-on dire. Alessandro Arbo, on a donc évoqué avec le livre que vous dirigez Quand l'enregistrement change la musique, comme les interprètes pouvaient changer d'attitude de par le fait qu'ils enregistrent, que les compositeurs eux-mêmes se trouvent déplacés dans leur travail. Il y a une autre catégorie qui voit son travail modifié par l'enregistrement, c'est les musicologue. On parle même parfois de phonomusicologie et on peut citer tout le travail qui est fait à l'IRCAM autour de Schubert par exemple, à partir de tous les enregistrements dont on dispose. Oui, c'est évidemment aujourd'hui un chantier de recherche. La phonomusicologie, en fait, c'est plutôt lié à l'étude de l'enregistrement lui-même, c'est-à-dire pas de l'interprétation à travers l'enregistrement, mais des techniques d'enregistrement elles-mêmes et de leur manière d'évoluer et de produire évidemment des effets plus ou moins considérables sur le résultat final, sur les produits que nous pouvons apprécier. Mais évidemment, le travail sur l'enregistrement est souvent aussi un travail sur l'interprétation, donc sur les multiples possibilités de réaliser la même œuvre avec évidemment la comparaison des styles, écoles ou alors manières de jouer pour dégager, comme dire, des tendances, pour dégager des manières plus ou moins conventionnelles ou alors, disons, des contre-courants de réaliser une certaine œuvre. Le premier à avoir fait ce type de travail, bien avant les laboratoires de l'IRCAM, c'était Robert Philippe qui avait consacré une thèse à cette thématique et qui avait en effet comparé un grand nombre d'enregistrements entre 1900 et 1950 pour chercher d'interroger certains liens communs. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, par exemple, qu'autrefois les violonistes vibraient beaucoup et aujourd'hui ils vibrent moins, ou alors ils faisaient entendre plus clairement les portamento et aujourd'hui ils les font moins. C'est vrai ou c'est faux? Ou alors, les chefs d'orchestre avaient tendance à prendre des tempos plus lents ou alors à amplifier la différence entre l'allegro et l'adagio. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ce qu'avait fait Robert Philippe, à l'aide de nombre considérable d'enregistrements, c'est mettre à l'épreuve ces manières de penser pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Et comme il avait fait, il avait mis en tableau, comme dire, tout un tas d'enregistrements avec la mesuration concrète des déviations, la mesuration de ce que les interprètes avaient effectivement fait pour montrer que certaines choses étaient vraies et d'autres l'étaient un peu moins. Mais c'était déjà une manière pour utiliser l'enregistrement en musicologie. Et donc je pense que c'est le premier à l'avoir fait d'une manière si importante. Et puis Julie Walker cite le projet Charme à propos de Schubert, donc, qui consiste à étudier comment les irrégularités de hauteur temporelle, dynamique dans l'exécution par rapport à la partition créent des réponses émotionnelles différentes chez les auditeurs, ce qui permettrait d'éclaircir entre le compositeur et l'interprète qui est responsable de telle ou telle émotion produite chez celui qui écoute. Oui, c'est un programme évidemment ambitieux, mais c'est très très intéressant et les Anglais ont beaucoup travaillé sur ces thématiques. Ils ont produit déjà un certain nombre d'ouvrages, notamment, disons, je pense aux ouvrages collectifs dirigés par John Rink, Je pense au travail un peu plus empirique, disons, d'Eric Clark. Et je pense à beaucoup d'autres, disons, chercheurs qui aujourd'hui se sont consacrés, disons, à cette comparaison faite avec des méthodologies et des instruments parfois très sophistiqués. Il y a mise au point des logiciels qui est très importante aussi, parce qu'évidemment, l'outil informatique est essentiel pour bien cibler les paramètres de la déviation qui nous intéresse. Mais les modèles de cette recherche, on peut encore une fois l'identifier dans quelque chose qui avait fait, disons, les pionniers. Il y a notamment Carl Cischor, qui est, pour ainsi dire, un psychologue de la musique, qui avait pour la première fois, dans les années 30, étudié les phénomènes de l'interprétation à partir des déviations introduites par les interprètes. Et on peut voir, au fond, cette étude qu'on fait aujourd'hui comme un grand développement, disons, beaucoup plus sophistiqué et plus raffiné d'une intuition qu'avaient eu ces chercheurs. Es macht mich Pour finir, Alessandro Arbo d'évoquer quand l'enregistrement change la musique que vous dirigez avec Pierre-Emmanuel Lefebvre aux éditions Hermann. Un mot sur l'improvisation, puisque cet ouvrage comporte une intervention de Clément Cannon. Il se trouve effectivement que l'improvisation, cette logique de take que l'on trouve dans le jazz, est codépendante intégralement du fait que c'est de la musique enregistrée. Oui, Clément Cannon a fait bien, donc, dans cette, qui est spécialiste de la thématique de l'improvisation, a fait bien à souligner, disons, et aller en contre-courant à un lieu commun, à une manière de penser, qui voit dans l'improvisation l'opposé quelque part de l'enregistrement. Non, on peut imaginer l'improvisation comme l'élan, les moments de la musique vivante qui s'est fait dans le présent. Et qui ne peut pas se reproduire. Absolument. Donc, une improvisation évidemment qui se répète et identique n'est plus par disons, définition une improvisation, évidemment. Et l'enregistrement, en revanche, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est l'idée de figer quelque chose, de les rendre itérables à l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus opposé à ça, au moins pour nos manières de penser. Mais Cannon met en évidence comme cette opposition parfois n'a pas de raison d'être, parce que évidemment les improvisateurs se sont servis pas mal de l'enregistrement pour produire à la fin un disque et pour réaliser, surtout dans les jazz évidemment, un résultat final. Donc quelque part, dans ces cas, l'enregistrement a fonctionné, même si évidemment il va de pair avec l'improvisation, mais il fonctionne comme une sorte d'outil de construction. Et collabore aussi. D'ailleurs, il n'y aurait pas quelque part une connaissance de la capacité improvisative de beaucoup des grands improvisateurs s'il n'y avait pas l'enregistrement. L'enregistrement qui se fait qui évidemment élargit énormément les champs d'action d'une improvisation. Keith Jarrett, le célèbre Köln Concert, évidemment, le public en salle pouvait avoir un souvenir extraordinaire de cet événement, mais c'est autre chose à voir l'enregistrement, et c'est ça qui a fait, qui a transformé cette improvisation géniale, instantanée, une sorte d'œuvre que d'autres musiciens ont repris, ont cherché également d'imiter, de jouer. Alors, oui, on va terminer là-dessus, puisque c'était un concert que Keith Jarrett avait donné le 24 janvier 1975 à l'Opéra de Cologne, qui avait été enregistré, qui a fait beaucoup de bruit. Mais alors, là où on boucle la boucle, c'est que cette improvisation a donné lieu à une transcription éditée en 1991, dont la partition a été enregistrée par Thomas Strinsky, qui est devenu une espèce de reenactment alors. Oui, vous citez justement ces cas C'est l'article de Stéphane Gasparini. Exactement, ouais. Qui a fait l'objet d'un approfondissement de Stéphane Gasparini, qui est fortement critique, par rapport à ces résultats. Pour quelles raisons il dit, écoutez, cet enregistrement, on n'y est pas. C'est-à-dire, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas du tout l'émotion, la sensation qu'on a quand on écoute l'exemple. exemplaires d'origine de Keizaret. Évidemment, c'est très juste. C'est un peu, d'ailleurs, un peu comme une certaine imitation qu'on peut imaginez-vous, entre un temple ancien, prenez le Parthénon, c'est pas à Athènes, et après son imitation dans le style néoclassique, qui a toujours quelque chose de plus froid, plus figé, moins dynamique, plus faux en quelque sorte, et qui n'est pas susceptible, comment dire, de nous enchanter comme l'avait fait le produit d'origine. Alors, que dire de ça? Évidemment, prétendre réaliser le Keln concert dans une interprétation peut sembler vraiment quelque chose de paradoxal. Pourquoi alors avoir transcrit et quel est l'intérêt d'enregistrer cette transcription? Disons que la transcription peut jouer plusieurs rôles. Évidemment, devient une sorte d'instrument pédagogique aussi, c'est-à-dire un pianiste qui va entrer un peu dans l'atelier de Keith Jarrett, peut étudier cette partition et après s'en libérer également pour improviser à son tour et évidemment être fidèle peut-être à cette improvisation, ça voudrait dire être libre après de faire un peu comme on veut, mais à partir d'un exemple, à partir d'une trace, à partir d'une transcription. Donc, peut jouer un rôle. Et d'ailleurs, Keith Jarrett avait approuvé cette transcription. L'exécuter tel quel, avec une très grande précision et avec un respect absolu de la partition, eh bien, c'est au fond se tromper un peu des catégories. Ce qui montre évidemment que notre écoute musicale est fortement, comment dire, lié à des catégories. Il a une composante cognitive importante. C'est-à-dire, c'est au fond prendre une improvisation pour une œuvre écrite. Et donc, évidemment, le résultat ne pourra pas être le même. Cette sensation de liberté qu'il y a un improvisateur, difficilement sera présente quand il s'agit de réaliser de manière minutieuse, disons, tout ce que Jarrett a fait. Parce que lui-même, évidemment, n'a pas fait cet exercice, ne s'est pas imposé de respecter quelque chose qu'il avait composé auparavant. Voilà, cette liberté de l'improvisateur fait partie du jeu, quelque part. Et donc, la catégorie, si on veut, de l'improvisation va contre, et dans ce sens, il s'agit vraiment d'une opposition de l'idée, disons, d'une œuvre musicale figée une fois pour toutes. Avant d'écouter Keith Jarrett et cette version de Thomas Rinsky, Alessandro Arbo, dire un mot de tous les auteurs que l'on a pu citer depuis le début et qui se retrouvent rassemblés dans cet ouvrage « Quand l'enregistrement change la musique », qui en fait sont d'abord réunis par un collectif de recherche qui s'appelle le GREAM. Oui, exactement. Donc, le GREAM, cet acronyme qui correspond à groupe de recherche expérimentale sur l'acte musical, est un laboratoire de l'Université de Strasbourg qui, entre autres choses, s'est beaucoup intéressé à la thématique de l'enregistrement. Il y avait au sein des, il y a encore, disons, de ces laboratoires, une équipe qui a travaillé sur la thématique de l'enregistrement. La plupart des personnes, des noms, des auteurs de ces collectifs ont mené cette réflexion d'une manière commune. Et en effet, ça a été un travail qui s'est fait dans le temps, dans les années, disons, des discussions, des comparaisons, et des réflexions entre doctorants, chercheurs, parfois, disons, chercheurs extérieurs ou chercheurs qui font partie de ces laboratoires même. Et donc, c'est un travail qui a pris 2-3 ans. Thank you. Retour à l'enregistrement de l'improvisation originale. Thank you. Ok Google, que signifie zinzolin? Le zinzolin. C'est tiré.